j'oublie. Alors comme ça on sait plus faire qui on prie. Alors comme ça on s'égare. Alors comme ça on est sur le même quai de gare. Ils ont les mots qu'il faut. Ils ont attrapé tous les défauts. Ils ont la marque des anges. Mais tout en haut ils ont peur qu'on les dérange. S'ils veulent nous tester, s'ils veulent nous tester. S'ils veulent qu'on soit triste, qu'ils mettent mon nom sur leur liste. Je les déteste, s'ils veulent nous tester, s'ils veulent nous tester. Faut être réaliste, en fait je doute qu'ils existent. Mais j'insiste. Alors comme ça ils ne répondent pas. Alors comme ça ils pensent être au-dessus de moi. Et moi je les défie tout seul. Je suis sûr qu'en haut ils doivent se sentir encore plus seuls. Ils ont les morts, les morts. Ils ont des millions d'âmes et au tendrement. Voici la discorde qu'ils apportent. Ils ont retrouvé les clés mais perdu la porte. S'ils veulent nous tester, s'ils veulent nous tester. S'ils veulent qu'on soit triste, qu'ils mettent mon nom sur leur liste. Je les déteste, s'ils veulent nous tester, s'ils veulent nous tester. Faut être réaliste, en fait je doute qu'ils existent mais j'insiste. On dirait que ça les fait rire. D'ici je croirais les entendre hurler. Si je pouvais les voir avant de mourir, je leur dirais qu'ils aillent se faire enculer. S'ils veulent nous tester, s'ils veulent nous tester. S'ils veulent qu'on soit triste, qu'ils mettent mon nom sur leur liste. Je les déteste, s'ils veulent nous tester, s'ils veulent nous tester.